J'ai trouvé sur internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune, bus plus bateau plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 euros aller-retour. Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non ? Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. Hé, c'est là qu'on descend, vite! Ah oui, j'étais déjà en Grèce.